On peut toujours trouver des définitions critérisées. Par exemple, justement, le trouble des conduites, c'est quelque chose qui est très critérisé par définition. Les diagnostics du DSM sont formulés justement en termes de critères. Il y a un nombre de critères. Et puis, si on a un certain nombre de critères sur un certain nombre de critères, par exemple 7 sur 11, on est considéré comme ayant cette maladie, cette pathologie, ce trouble. Alors, est-ce que c'est légitime de penser en termes de critères ? De penser une définition en termes de critères ? Ça, c'est déjà une première chose. C'est pas évident. On pourrait qualifier les choses, les complexifier, voilà. Et puis, est-ce que les choses ne se regroupent pas, effectivement? Est-ce que la délinquance ne touche pas aux troubles des conduites à certains moments? Est-ce que la violence parle d'une violence personnelle, une violence sociale? Tout ça est toujours très compliqué, toujours très confus, et fait partie de la confusion du débat, et la confusion des livres aussi, la confusion des textes, la confusion des... Voilà, ça je trouve que c'est une question de fond, effectivement, la question de quoi on parle et comment on en parle. En plus, est-ce qu'on le critérise? Est-ce qu'on l'interprète? La question de l'interprétation aussi avait été soulevée dans le film. J'ai pas de réponse à donner clairement à ça, mais sachant que personne n'en a. Je crois que ça fait partie du débat, c'est qu'il n'y a pas de définition à tout cela. S'il y a une définition quand même de la délinquance, c'est-à-dire que la délinquance, c'est quand même à partir du moment où un acte violent, enfin une personne qui a commis un acte, pas forcément violent, d'ailleurs transgressif, s'est trouvée confrontée à la justice.